Après l'année 70, yo, le baby doc prend pouvoir. Dans tête pouvoir, tant qu'on a tout étage régime, nan, l'esprit Makout là, ak méthode Makout yo, te continue même gens, malgré yon similac démocratisation. Vol à corruption vin piplis. Peut-être laisse ça, sous l'agent yo te ka volé en dan pays ya, ou vin joindre l'agent pays étranger à vider sou yo. Comme ça, pour défendre pouvoir politique là, ak millions de dollars kap mette pile sous pile, c'est pour système répression pas chômé. Krasé zo paysan, grand groupe fait frapper pied yo. Krasé zo ouvrier kap commencé organiser. Krasé zo jeune journaliste, tant kou Gasner et moi en 76, qui tap fouillé zo dans Kalalou pour dénoncer vol ak corruption qui tap continué. Krasé zo jeune garçon ak jeune femme, l'idée progressiste est attiré et qui parfois t'est tombé en bas main faux progressiste. Même méthode yo continué ses vies. Assassinat, enlèvement, même bureau lan mort yo tout. Te continuer à travailler sans arrêter. Dans l'occasion 7 février 91, en pile rescapé, dans un gros bureau en moyo, fort dimanche, te témoigné. Et ces cellules-là, c'était numéroté par les chiffres impairs. Tu as cellule 1, 3, 5, 7, 9. Là. Voilà. Mm-hmm. Dernière cellule 9. Et ainsi de suite. Donc 1, 3, 5, 7, 9. Et combien on a fait? 33, ça dépend des conjonctures, ça dépend s'il y a eu activité démocratique ou non, ou droit de l'homme, tentative de promotion de droit de l'homme, etc. Donc, ou t'es capable de gagner plus ou moins, mais en moyenne, c'était descend rarement au-dessous de 20, le monde passé de. Faut ça fermé, et seule ouverture qui gagne, c'est qu'on fait net là, mais il faut qu'après le retien poste, parce que c'est pas un fait très bien, ou qu'après dimensionner. Et puis, il met pas d'accès à ce là, donc on a remarqué ça que vous voulez transformation que ici j'ai fait, mais pour ce portail, on a remarqué celui-là. Et normalement, prisonnier était toujours sur deux colonnes. Et là où c'est pour Tony, jusqu'au mur là, et comme souligniez-vous que place qui est adossée au mur, c'est des places de privilégiés en dans ce là. C'est ça qui fait que Major, celui-là, toujours réservé un point pour lui. Et pour un polytonien IA, c'est là que Kin a dit. Et le Kin là, c'est Barry, Droum, qui est servi de latrine à toute mon gars cellule. Et normalement, comme prisonnier était couché sous deux colonnes comme ça, et j'ai envie d'être croisé le soir, puisque normalement, il faut y suivre comme eux. Si nous voyons dimanche cellule là, tu es mesuré environ 6 pouces et 6 pieds 6 pouces. Donc automatiquement, tu es obligé de mettre des jambes sur l'autre monde qui est couché en bas. Et ainsi de suite. De telle sorte qu'entre deux colonnes prisonnières, il n'y a pas de couloir de passage. Donc le soir, chaque monde fixé, rivé dans la place où, parce qu'il n'y a pas de place pour déplacer. Et c'est ainsi que, sous calculé, sous un atelier, qui était normalement seul cabane que les prisonniers ont gagné. Donc c'était une laisse de natte qui était à peu près la jossa. Donc sous la mesure pour effectivement, le nombre de prisonniers était à plat. Et type de natte, ça y est, c'est un type de nappe qu'avec transpiration, prisonnier yo, rapidement, il était produit en pile pour de corps, pile 40. Et ça fait ce type de verre qui était circulé en pile pour dimanche. Tout prisonnier passé ici, hein, il connaissait le pour de corps, c'est en abondance que le dégueu à ça. Et pour de tête, un peu partout. Et normalement, donc, tout ça qui a pas traité tout là, rentrez par là. Et porte la dérivée pour de nouvelles là. Et deux on cellules là, on leur cellule, clandestinement, un prisonnier était capable de grimper porte métallique là, malgré que c'est une surface assez lisse, pour être capable de dire au prisonnier bonjour en face. Bien entendu, très tard, quand le sentinelle là commence à fatiguer, il commence à marcher pour slip. Donc le sang a sauté pendant 10 secondes pour profiter pour dire au prisonnier bonjour l'autre bord, mais ce qui arrivait très rarement. Et pas contre qui nous connaît qui était dans la prison, mais quelques mounes. Enfin, moi, j'aimerais bien me rappeler tout le monde qui venait de ça avec moi. Et la position citoyen ça, il y a un mur là, il y a un Gérard Augustin qui était là, qui est un sociologue, Moun Saint-Marc, c'est là que je suis mouru. Un petit peu au dos de cette dame-ci, et en arrière, je me rappelle très bien Rameau Estimé. C'est là que le déjeuner, c'est là le mourir. Dans le coin ça là, Je me rappelle moi, c'est Claudia Bello, et qui pas mourir, qui vivra toujours. Côté Jean-Claude Bajoyela, t'es gagné un jeune petit paysan Raboto. Et là, t'es gagné un rotiné qui t'est relé Ezel. C'est parce que monsieur était dans un meeting Victoire vers Constant. Et puis il dit ça, monsieur Abila, il a arrêté lui au Ménélicia. Il mourit là, justement. Alors, je continue de remarquer dans tout le monde qui m'a cité, comment un mélange social là bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des paysans, des intellectuels, des travailleurs, il y a toute qualité. Donc, prisonnier était là, il était réuni, toute couche sociale, c'est capable de dire unité pays a été faite là. Vous-même, dans quelle position vous êtes? Moi-même, ici, je suis capable de placement. Exactement. Et combien de temps? C'est pas par habitude. Photographie là, 60. De qui année? Ça me sentit ou pas que je me comprenne. Dans qui année? C'est pas. Comment dirais-je? Un bagaille que ma PC est doux pour me tromper. C'est un sentiment que je ne sais pas quoi comment je peux me communiquer en l'heure. Vous comprenez? Et je me passe deux positions dans cette ville-là. Je suis ici et ensuite je suis là. Vous comprenez? Et moi qui étais côté maintenant, c'est un paysan et mon sur les bouquets que juste après un gars qui est vivant qui mourit là à côté moi souvenez que mon cabaret grand pile là dehors c'est souvenir mort c'est à dire là on a cellule comme ça mon a pas entré mon a sorti mais mon pas sorti pour la guerre ou sorti deux pieds devant donc souvenez que des cellules là c'est que tout qui est sorti dans la porte là c'est cadavre de sorti pas sorti vivant. Pour ça que je pense que ça qui est aujourd'hui, je peux expliquer très nettement pour ça que je là. C'est un combat démocratique qui a fait dans le pays, côté que tout citoyen est conscient, pas de capable de pas impliquer jusqu'au bout là-dedans. Et c'est au nom du combat démocratique ça que je me retrouve là. Et ça qui fait que là, tout, aujourd'hui, probablement que je suis vivant. Ce qui pendant tout le temps que je suis là, je suis conscience que je suis là pour une bonne cause. Et pour une cause que même si je suis là, tu as triomphé un jour. Et c'est ça qui fait que malgré tout souvenir désagréable que je gagne là, j'ai une grande satisfaction que je suis campé dans la même place là pour m'abdou qui histoire fort dimanche, qui histoire lutte peuple haïtien. Hein, pour que aujourd'hui, effectivement, la valeur des zones. Je visitais les zones déjà. C'est évident que j'ai un pile travail de camouflage, un pile tentative de transformation qui était faite pour essayer d'effacer. Véritable emplacement présent pour dimanche là. Cependant, disons qu'il y a des mounes qui connaissent lieu tellement bien que pas de moyen pour pas identifier tout ça qui était constitué, mur fort dimanche, cellule fort dimanche, comment que étayé, etc. Tout à l'heure, il y a un monde qui demandait est-ce qu'il y a des instruments de torture qui ont identifié ici. Ça me permet de souligner, c'est que fort dimanche, c'est tout système carcéral là, qui est un instrument de torture. J'ai été bon manger, j'ai été dormi, médicaments n'ont pas leur balade, et matière fécale qu'on a vivre avec les dedans. Tout régime, non. De l'eau qui était fort boire. Non, c'est que le commandant était toujours un bâton dans la main, ça avait un bâton qui est au bord de l'eau, ça avait un bâton qui est en cellule là, pour sortir dans le couloir, aller laver bouche le matin. Mais faut voir, c'est tout système dans même, tout système carcéral là qui était principal torture pour dimanche. Parce que si vous regardez à quel rythme que prisonnier était comme mourir dans ces lieux, il n'y a pas de besoin de battre, il n'y a pas de besoin de l'autre torture, mais si c'était que vie fort dimanche la même, c'était un bagage assez infernal pour pas besoin de l'autre système de torture. Concernant nécessité et espace là-dedans, je voudrais souligner que fort dimanche, c'est en même temps tout un symbole de répression paysanne. Depuis les années 30, fort dimanche, c'était quartier général. Responsable toute police rurale dans plein du cul de sac, région d'Elma, région Maïgaté, Tabar, Douyard, etc. Donc quand le chef de section a arrêté un paysan qui a bâti toute la route, c'est ici qu'il a été comme le lieutenant d'Adignac, et avec l'autre qui vient remplacer par la situation. Et l'on paysan était rentré fort dimanche, il était très peu de chances pour le sortir vivant encore. Et paysan ça y est, quand la majorité prisonniers politiques qui passaient fort dimanche, eh bien, il n'y a pas de gagné état civil. Une fois qu'ils ont passé porte fort dimanche là, il n'y a pas de gagné état civil encore, il n'y a pas de gagné nom, c'est au numéro que vous avez. Alors, que je voulais que l'on clair dans la tête de tout le monde, que le système répressif là, c'est un bagage qui était assez étendu. Et ça que je me dis que chaque pouce de terre dans la zone là, c'est histoire fort dimanche, c'est symbole fort dimanche que je dis. Oui, puis faut c'est ici que vous passez et que m'espérez qu'en pile zo qu'on est capable de rejoindre. Bien entendu, malheureusement que notre pays n'a pas gagné une technologie assez développée pour identifier tout le monde qui est capable de venir. Mais je suis certain que grand pile ossement, 9 au dimanche, et que je pense que si vous arrivez, faites grand pile de bagages qui est capable de révéler à la surface. Donc bien qu'il y ait des charniers que vous connaissez qui ailleurs tout, ce n'est pas seulement 9 au dimanche que charnier oui. Marc Romulus, nous sommes là, c'était Youn, dans parmi prisonniers, fort dimanche. Tant que l'autre survivant nous prend le coup de il a une chance pour sortir vivant dans le fort de mort. Mais chaque 5 cachots, ça vous. Mais le chaque, il y a une porte, mais pas une porte en fait, non. Une porte pleine. Le vent va passer là-dedans, le vent c'est vrai. Depuis une langue, il y a une lit, et puis il y a 2-3 personnes qui étaient là déjà. Et pendant que là, il y a un monde, il y a un tué monde. Il y a des gens qui mourent là, le cachot. Il y a un commerçant, marché Salomon, qui a les faillons la femme, qui mourent. Il y a eu un grand avocat. Je respecte sa mémoire. Avec deux buts, mais vu son âge, 70 ans, il est mort. Qui est cet homme? Maître Covin. Il est mort. Henri Doulion, âgé de plus de 70 ans, qui était le même cachot que moi, là où est l'âge de mon que le pape appelle longtemps, il a retiré le site, il mettait les pénitentiaires, il mourut le pénitentiaire. Et l'homme vient dans le cachot, il ne peut pas remettre quoi, il va y faire mieux. Il roule au long de l'inap, il est à terre mieux, on caisse. Je mets tout dans la caisse là, et puis côté au fer, on va comprendre. Maintenant, je vais dans le cachot. Premier jour, je rentre là, où il y a de l'eau, que l'air a plagué. Et je ne vais pas jamais plaguer la journée, ni à 8h, 9h du soir. C'est à partir de minuit, 1h, 2h du matin. Par contre, ça crivait, mon plagueur. Est-ce que c'est plagueur vraiment, ou bien c'est mourir à mourir? Moi-même, je dis la guerre. Parce que souvent, Héloïse, elle vient la nuit, le vent à choua. Il gardait tout le et puis les deux, ou même sorti. Ou sorti. Et des fois, nous ne connaissons pas comment nous devenu, mais des fois, tout, elle sortit à Gmina, elle s'allie au moins de 2h du matin. Quelques minutes après que nous sommes sorti là, et vous tendez une décharge au milieu de la nuit. Donc, vous pensez que c'est fusillé ou t'as le fusillé? Nous tous nous pensons que c'est quasi quasi. Et là, on a la joie. Vous rentrez là en caleçon, c'est sur ciment où il est. Au pas ciment qu'à... dormi. Au pas qu'à dormir, où est longueur du cachot, nous comptons 7-6 coucher là-dedans. Les deux m'ont couché à terre, côte à côte. Troisième moment, il faut dire, comment. Bon, font un petit coup. C'est campé à pied au bon chita à terre. Voilà la selle. Au bon beau kit qui était là à demeure. Je le venu peut-être chaque 2 ou 3 jours. La vidéo dit, je le veux. Et là, aller à la selle, ou descendre sous beau kit là. Beau kit que l'on prend pour nettoyer les machines. Son vieux beau kit, tout crasé. En bas, vous quittez la coulée. Donc, là, les coulées, urine avec matière fécale mélangée, la coulée, ou chita à terre, le tout doit être chaud puisque vous n'êtes pas capable d'en garder le corps pour sortir, c'est là où vous étiez. Bon, combien de temps passez là? 20 000 jours. Et là, allez sur vos quittes là, là, fini, là, levé, remontez le caleçon. Le babo papier hygiénique, le babo toile, en rien pour suivre. Tout bas là, il était sur. Seul bas qu'on a avec vous, c'est caleçon. C'est qu'on soit rentré, joue l'eau a plagué, Yo mène la salle de garde là, yo louvre un gros lamo en fer, yo dit pour un radou, pour nouvelle et pour un radou. Pénitentiaire national, à l'époque ça, avec Fort Dimanche, même époque là, yo ne sais pas faire pénitentiaire, je vais dire c'était un paradis. Mais Cacho Sayo, qui est relevé directement du palais national. Cinq petits cachots, ça a été sous compte Tassi, Eloïs Maître, Luc Désir. Le commandant du Fort Dimanche d'alors, qui était le lieutenant Jean Beaubœuf, il n'avait pas accès à ces cachots. Si on va passer dans cinq cachots, ça a, c'est en haut pour y faire rapport. C'est seul nous qui était qu'on visiter, venir chercher nous à l'Aclo, ou bien venir avec nous. Météo, la Cajosa, c'était Louis Smith. Chose à seul que nous te gagnons pour l'humain à la tête, nous, 24 heures sur 24. Donc, pas jamais la nuit. Pardon? Pas jamais la nuit. La journée coule la nuit. Et pas foutu de vis en pour là. Si vous dévissez en pour là, et nous, il faut inspection, il va pour la dévisser, et que la poule n'a pas boulé. C'est prisonnier qui dévisse. C'est un régime sauvage, barbare, gourmand, des conditions de vie épouvantables. Pas grand pile monde parmi plusieurs milliers qui t'ont fermé Fort Dimanche, qui t'ont arrivé sorti vivant. Si Fort Dimanche, t'es un bureau en mort, tout le monde connaît dans le pays d'Haïti, c'est peut-être en pile froid, même l'œil arrêté un monde dans une zone qui est bien loin. Souvent, ils viennent aboutir dans Fort Lamor, dans Fort Dimanche. Ce n'est pas pour zone Port-au-Prince et alentour Port-au-Prince seulement bureau ça a été travail. Dans Port-au-Prince, Fort Dimanche n'est pas le seul côté qui te pour gros non la mort. Tu as une quinzaine de salines tout côté SD, tu as contouillé en pile monde. Même gens avec l'autre bureau la mort, ils ont été les recherches criminelles. Dans trois côtés, l'histoire pas oubliée dans la question de la mort dans le pays d'Haïti, tout le monde connaît leur entrée ou pas sorti facile. Rescapé nous sautant de yo considérer ces miracles qui sauvent yo. Mais tout te gagné l'autre bord barrière dans Kambouro yo, moun ki pat ka sipote. Ancien attaché Kafoua dit déjà, jour 26 avril 63, li même tout li te ka passé, les Franco-Romains te arrêté. Comme ça, nous pral tande trois militaires qui étaient dans la police dans l'année 70 yo, kap pale nous sous bureau la mort yo. Et qui dit tout que yo même nan plusieurs occasions te ka passé. Moun nan entré à 8h du matin depuis yo di yo vle fizil la pantre à 8h du matin neve pou ko panché yo gen tan fizil longtemps si yo pa vle fizil yo gonne ke le geneg gros neg sele bourreau lanik paraît nan prison nan dan prison on se on kote jis an dan y entré ou bal deux coups de bâton bot en plat vide la tel mouri si yo pa vle le faire bruit yo bagay lon gros prison l'autre prisonnier yo balon code yo fait tout fait lan dan moi même sensibilité. Je ne peux pas accepter les choses. Je ne peux pas permettre de m'accepter. Il y a un petit homme, un jour, qui vient et qui vient pour manger pour un tonton. Tonton a travaillé sous waf et puis il a arrêté tonton. On a fait business sous waf. Et puis tonton a même rivé dans la police. Il a balancé un coup de bâton là, au tuel. Mais petit homme a et tonton, il peut manger pour lui. Moi-même, si comme il a vu la police, ça va et ça, lui ouais, là, la dit, lui bam non, mon n'importe quoi j'ai voulu. Là, n'importe quoi j'ai entré dedans et oh, prisonnier dit, ah, monsieur Crasé déjà. Moi-même, même qui va prendre ça pour me faire, bah qu'elle dit si comme il a que mon yo Crasé tonton là, moi obligé qu'on y a son l'autre prisonnier, bah il mange, bah c'est une bagarre, bah qu'elle dit ça son problème, m'a tombé dans problème. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire pour faire me dire ça, oui ben. Eh bien mon cher, les moi chaque jour tu commences à monter, descendre, elle vient à pied, la pour manger. Va on qui misère mon parfois il planifie au fait pour rejoindre cobla pour faire manger à bout de bas mon en prison. Eh bien mon cher, un jour, on pas qu'à supporter, c'est moi même l'histoire ici. Chaque livre pour bas manger. Ah, un jour moi il me dit ma chère, on pas qu'on se pour manger encore non, tonton là bas là. Eh bien, ça te manque qui mettait dans pigou à cocher, j'étais gagné, j'étais qu'à fusiller, j'étais qu'à prendre prison, bon j'étais qu'à mourir. Eh bien mon cher, ça t'y comme a fait lui-même, il y a la il a dit maman, le papa, la famille, que yo fizye, tonton l'amour. Depuis que je regarde mon corps apparaître là. Squad apparaître la police. Je viens de dire. Je viens de dire. Je viens de dire dans la salle légale là. Je dis qu'il n'y a pas dit que tonton est mort. Depuis que je suis sauvé, moi. Tu es un lieutenant qui est lieutenant tel fort. Lui-même, c'est tuer la tuer le monde. C'est manger le cigarette. J'ai le bien rouge. Eh bien, lieutenant tel fort dit qu'on ça. Bon. Mettez mon sous banc. L'entrée derrière, elle mettait au sous-ban. Moi-même, ça me fait son combinaison, m'oblige de faire. Me faire sauver, pas derrière. Et si on va sauver, je dis, mais c'est dans la prison, on va mettre nous tout, oui. Me faire sauver, parce que si on va, si m'a fait sauver, tu commences à battre, pour dire, qui laisse mon guide, dit, tonton mourir. Et va le dire, c'est moi. Moi-même, je vais le mettre dans la prison. Eh bien, mon cher, moi-même, qu'est-ce que c'est, je ne suis pas capable de supporter, bagaille ça. Eh bien, à la fin, je suis tombé dans un problème. J'ai un élément bien avec lui. Monsieur le Edouard Gillien. Je ne sais pas qu'on est, monsieur, je ne sais pas qu'on a qui laisse monsieur Théier. Et puis, il y a un problème, il y a un monsieur dans la prison. Il y a un monsieur dans la prison, un jour, il y a un mal pour un prisonnier dans la prison. Je vais là, je parle avec monsieur. Oh oh, tu quoi ce problème, papa? Tu quoi tout le monde dans la police, c'est rapport qu'on a fait pour moi, je vais parler avec, et mal enregistrant dans ma parole avec prisonnier politique. Monsieur, moi-même, de la police. Si je dois crime, je vais faire devant. Bon, l'époque, je commence à faire crime moi-même. Mon chef, je dois faire même 3 mois, je ne vais pas manger viande. C'est que, c'est des bagages que je ne connais pas. Par exemple, là, nous contentons Haïti. Ils ont rencontré, ils ont fusé 7-8 nègres d'Elma. Il faut identifier mon vol d'Elma. Mon cher, ce n'est pas un instant, on dans le prend mon vol même. Il prend mon vol en dedans, puis il y a le physio dans la rue. En dedans la police là. Prisonnier dans la prison. Bon, mais qui, par exemple, si vous avez un poste, par exemple, le premier nègre physique devant, c'est un élément qui est tiré en toile de la magie. Quand on parle d'élément, ça tient en toile de la magie. Si vous avez un flèche, il y a un petit peu de toile de la magie. Bon, mon cher, tu peux ouvrir un poste. Quand qui était ministre de la justice et de la justice, gentil ou l'ingentil. Plus de cas au bon poste, quand monsieur, les amis, c'était Nazon. Plus de cas au bon poste, quand monsieur, c'est l'élément, ça y a au print, il y a le fusil dans le dos, quand monsieur. Bal même 10 balles. Puis au TK ouvert un poste dans le bloc là. Gampin de me connaît. Gampin de me connaît. Par exemple, de la police, Gampin de me connaît, il a tiré. À la paquet au tiré, yo qui arrêté mon matin là, il disait midi mon penché mon était dans mon là longtemps. Yo jambe dans corridor couloir avec lui, yo tire la coup de bâton sur son corps dans couloir tué. La police là. Et puis mon famille mon toujours continuer pour manger pour lui en comprenant qu'on fait arrêter mon là parce que mon dans mon là longtemps. Yo pas tué seulement garçon, yo tué fille tout. Avait dit, yo t'ai loi arrêter ton nèg bon. Yo t'ai loi arrêter ton nèg et décaler des salines arrêter ton nèg. Il y a des gens qui ont été tués pour tuer, ils prennent des vols de recherche criminelle. Depuis qu'ils ont des recherches criminelles, ils prennent des vols de tout nu et pas tout le monde va faire des marches. De façon à tout profiter, dans ce point de l'élément, ils passent dans la bouche, dans l'hôtel, et puis ils ont monté Fontamara, ils ont monté Delma, ils ont monté Bétionville, ils ont fait des ouais. Alors c'est tout comme ça, moi, qui fait des vents. Mais mon cher Pomdou, ce n'est pas mon cap dit nous. Monsieur Soubo salve et bagaille qu'il ouvre avec Jules, qu'il vive. Moi, je fais 6 ans la police. Mon cher, moi, ouais tout avec Dieu, moi, ouais. Et les gens qui mourent devant, moi, je ne peux pas parler. Au moins, il y a des fois pour une condition. Je vais voir arrêter tout le monde avec un mandat de comparution pour investigation. Investigation seulement, bon, on a mouru. On va faire des gens, on va parler de la main vers 10h du matin. On va dire que l'on va faire même. Puis, on va faire des officiels. Bon, tiens, toi, la magie. Si monsieur te connaît, il va mourir. Monsieur t'a sauvé, non, même. C'est moi qui ai cherché monsieur en prison. Même bien avec monsieur, dans l'audience. On prend les âmes d'acheter deux toilettes nègres, monsieur qui ménage dans le bloc là, monsieur dit mon cher, qui dit l'autre, on prend devant, on marche derrière, pour mesdames, on va voir. Qui dit marche devant, mais ma bonne audience à monsieur. On prend les mêmes pètes, monsieur dit me fait même. Fait un monsieur, monsieur dit me gangou, m'acheter cigarette de Bali, ben pas d'agrément à faire. On a acheté, on a dit jupe, monsieur, pain barré ça, on prend. On dit, on connaît quoi de la gueule, monsieur. À ce bien tourné, les mêmes pètes, dans ce moment, on s'est dit, on a sorti ça avec son toit là. On prend ces éléments ça, puis tu as ouvert un poste. Voilà. Puis tu as fait un nègre à plaisir. Roulin Gentil. Pour qu'il fasse plaisir, il est obligé de fusionner dans la Cali de façon pour voler par venir dans le bloc camisien encore. C'est la mission voler au baril. Oui, c'est bon, il est officiel. Ça veut dire tout le monde là pour le monde à fusion l'arrière. Comme si c'est le directif pour le cuisiner. C'est pas vrai, c'est le monde qui prend dedans et le fusil. Et parmi les gens, il n'y a pas de monde dit tout comme voler, dit tout. Il n'y a pas de juger le monde dans tout. Par exemple, c'est. On prend nous, okay, bon, on employé là, car on a prolongé mes ou à l'étel. Machine répression en pas de freiner pendant années 70-80 sous Jean-Claude Duvalier, même si il était un Jean en bachal. Jean-Baby Bidoc te dit là, papa te fait révolution politique. Nous comprenons, il te fait répression enragée, chita régime latéraire. Les mêmes Baby Doc, il t'a fait révolution économique, qui veut dire chita système corruption en pi bien dans tout pays. Parmi événements moun songe, toujours pour Jean-Claude Islan, gain répression sous mouvement démocratique le 28 novembre 80, a crasé aux jeunes garçons qui étaient débarqués la tortille dans l'année 1982. Nous prenons des événements sérieux pour montrer la méthode n'a pas changé. 28 novembre 80, pouvoir déclaré, te gain complot, yo te joint baffé et puis gasoline, comploté yo t'a pral servi pour mettre différent n'importe Port-au-Prince. Même qualité menti yo. Dans débarquement la tortille en 82, même méthode yo tout, crasé zo ak menti. Yo employé gouvernement à l'époque. Les rissons allez-y, te reconnaître ça après 7 février, pendant l'étape essayer mettre où était responsabilité ça sous dol. C'est ainsi que, moi rapporté que, population a gagné la fousse, je comprends que c'est 40 personnes qui la torture, mais c'est 8 personnes qui ont contrôlé qui la torture, et que dans 8 personnes, l'État a capturé 3. Et que gagne 5 que yo a cherché yo actuellement pour que l'invasion finisse parce que l'invasion fait faillite parce que c'est pour un bagage qui était bien planifié. Tellement vrai que reporter ça yo gagne pour le bail à l'autre bon. Dans le journal dit que et Mounan qui est responsable d'information dans le nord-ouest, il dit que c'est 8 personnes qui devinent. Gagne 3, yo capturé parce que c'est sous waf la yo descend que toute population wayo. Waf fort de paix. Waf fort de paix. Moi-même personnellement, moi te wè yon blanc avec 2 haïtiens. C'est là qu'on a dit comme ça, mais c'est pour un blanc nèg là, c'est Gérald Brisson, Port-au-Prince. Richard Brisson, Port-au-Prince, il connaît bagay Rex Théac, c'est cela. On dit ah bon, c'est lui-même. Mais dans les 3 qu'on a trouvé, Gérald Brisson et Richard Brisson ont été blessés bons oreilles et que deux l'autre n'ont pas de blessés. C'est que Richard. On va changer le nom de l'autre. Et deux autres n'ont pas changé le nom. Est-ce que c'est Winner Paris? Non. Est-ce que c'est lui-même Célestin? Célestin. Est-ce que tu es Moussignac? Non, pas encore. Est-ce que tu es Henri Paul? Non. Bon, ok, on va continuer. Et c'est Célestin avec un autre. Okay. Bon. Mais Célestin, c'est le monde nord-ouest même. Yeah, ancien, au point que c'est lui qui fait que nous reconnaissons, tout le monde reconnaît lui. Ainsi donc, trois mounsa, toute population, ouais. Vous avez envie de les capturer. Oui. À partir du moment que vous avez trois mounsa, pour la population, vous connaissez que y a pour eux dans la caserne et deux casernes, il y a pour eux dans la prison contre eux. Entre-temps, nègre qui vient bay nouvelle dans Haïti et là li mette moi dans très mauvaise posture en ce sens que moi recevoir le ministre de l'intérieur une espèce de blâme dans le téléphone. Il dit comme ça, mais c'est deux ou trois jours après. Il dit comme ça que comment voulez-vous que Mounsa yo mouri sur le théâtre des opérations et que ou baye renseignement ou dit que Mounsa yo que yo te débarqué pas de paix. Donc c'était Berouette qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Mm. Et puis moi dire comme ça que mais écoutez ministre de tutelle moi vous écoutez pour me baye mon yo information mais elle pas vous pour me baye ou menti. C'est toute population qui était toi venir débarquer. Ni moi même tout. Donc j'ai dit exactement ça me dit ouais. Et puis j'ai dit, dorénavant, pas bail nouvelle encore. Pas bail nouvelle comme ça. Instruction du Berouet. Si reporter vini côté où, et pour prendre information, pas bail encore, fait blackout sous, pas bail encore. Mais vous dépendez du ministre de l'Information. Je dépends du ministre de l'Information. Ils ont fait ministre de l'Intérieur parler d'une bolotte. Mais ministre de l'Intérieur, ministre de l'Information, c'est le gouvernement, il faut que. Yeah. C'est ce qui avait été décidé à Port-au-Prince, mais on est dans une province lointaine. Entre-temps, ces trois prisonniers, pour les autorités de Port-de-Paix, pour tout le monde à Port-de-Paix, ces trois individus sont en prison à Port-de-Paix. Les cinq autres qui étaient là, ils ont capturé, on dirait, l'un après l'autre avec concours population même. Mais ce n'est pas de travail Léopard, c'est travail Kazel. Dans la suite, ils ont venu prendre. Je viens prendre Mounsayo l'un après l'autre. Capturé vivant ou sinon. Blackout vient faire dans la population civile là. Ce qui signifie que les armées prennent, soit ils mettent un avion, ils voient au Port-au-Prince, ou bien nous pas la population ne connaît pas qui ça va faire avec eux, qui ça va faire avec eux. Mais notre. À partir du moment que le ministre de l'Intérieur. C'est dit comme ça que Mounio mourit sur le théâtre des opérations, comment on fait bail information dans l'autre bord que Mounio a capturé au vivant, j'ai fini par comprendre que ce qui se passe. C'est ainsi que une commission avait été voyée, c'était voyé en commission Port-de-Paix pour occuper affaire de l'invasion SAR, une commission civilo-militaire. Composée de. Je n'ai pas songé tout le monde qui était là-dedans. Qui est-ce que tu as songé qui est là-dedans? Je me songé que Weber Guerrier, Weber Guerrier, etc. Et puis, il y a un commandant militaire, il y a d'autres. Commandant militaire, qui est-ce? Commandant militaire, il y a des ennemis qui étaient sur place. Après, qui est-ce encore? Je n'ai pas songé là. Bon, ça me songé, je ne vais pas le faire maintenant. Ok. Bon, bon et... écoutez-moi yeah. bien. Mm-hmm. Les. Donc, comment pour civil fait qu'on est que Mounio y a cap. Est-ce que civil te ka allé la tortue? Son opération militaire qu'a fait. Les militaires capturent les premiers trois Mounio que la population les a vu. Toute la population a vu les trois. Brisson qui paraît, qui paraît un blanc avec deux l'autre. Célestin avant l'autre. Que la population, ouais, au conduit, au mené, au caser en haut. Que certaines autorités, ni préfet, ni commissaire du gouvernement, certaines autorités voyaient dans la caserne en haut. Pour toute autorité ça qui voyait en haut, yo Port-au-Prince, yo voyait dans la prison Port-au-Prince. Quel rôle un civil, quel était préfet, quel était commissaire du gouvernement, c'est capable de jouer dans soit exécution Mounsa que l'armée capturée qui mène dans la caserne. Bon. Après débarquement la tortilla, après l'année 82 ça, livre histoire va gain pour parler sous mouvement revendication peuple haïtien. Levé campé peuple là qui prend l'abouti dans répression 1985. Une répression côté régime Makout là retourné dans mes premier époque li. Si dans massacre sous Divalier, moun toujours dit yo te kontouye même ti moun piti, personne pas jamais oublié en 85 Makout ak militaire Makout rivé touye jeune ti moun nan Gonaïve. Ça veut dire méthode yo pas de changer. Et Jean nous t'a déjà dit après que Makak la cassé 7 février 86, même méthode yo a continué. 7 février 86, haïtien te comprendre, yo t'a déchouqué Makout et puis tout exaction Makout t'est fini. Mais yo t'a pas le comprendre bien vite système Makout là t'est toujours là et méthode yo pas de changer. Ça t'a pas paraître tout de suite après 7 février, l'heure après quelques actes répression, nous pral arriver dans 26 avril 86 devant Fort Dimanche côté yon match dans mémoire victime répression régime Divalier, yo t'a pral tourner yon l'autre journée répression. Si sous régime Divalier a la mété prend baf, nan men Makout parce que nan commencement régime nan militaire t'a essayé camper contre lui. Si militaire en 85 t'a participé dans déchoukage Jean-Claude Duvalier, les que Makak la t'a cassé. Après 7 février, c'est yo qui prend le principal force machine répression à la mort. Même si Makout yo pas de chômé. Peuple pral dit clair, gen Makout dans la meya et li pral lever contre yo. Makout mélangé à clamé a continué avec même méthode yo. Ansasinaï, n'a songé Yves Volel, Louis Genatis, Lafontaine Joseph, Roseline Vaval, Jean-Marie Montes, Serge Villard. Massacre, nous t'ai parlé de Fort Dimanche 26 avril 86. Tout le monde connaît massacre qui était fait sous population civile pour empêcher l'élection 29 novembre 87. Massacre qui fait jour 29 novembre 87 là même. passé dans l'église Saint-Jean Bosco 11 septembre 88, rivé 5 décembre dans Pétionville en 90. Fait moun disparaître tant que Charles Jacquelin, Vladimir David, yon l'autre méthode système Makoutlan te utilisé, j'en ai rappelé pendant période Papadoclan. Méthode intimidation tant que série badisonnage contre bureau parti politique et syndicat. Répression gouvernementale tant que ça qui était fait contre la CAT dans mois juin 87, l'en amphit est déclaré illégal. Intimidation ak répression sous MPP ak accusation Virginie Saint-Pierre, répression sous population k'ap revendiqué tankou nan cabaret, arrestation et puis maspinaille prisonnier la Toussaint yo. Mete di fe nan quartier ou bien côté peuple la réuni côté le travail. Nous songe marché Salomon, marché Hippolyte ak divers di fe saccage qui te fait contre bio électoral yo. Système Makoutlan pral essayer remettre sous pied organisation yo. Nous songe tentative mette sous pied parti politique en 1986. Peuple la te di li pa pran. Et pourtant, il aurait commencé dans Vertaï, dans le congrès noir et rouge lan dans l'année 1990 avec Pati Makoutlan URN. Sans oublier Makoutio était en action pendant l'élection 17 janvier 88 yo, côté yo te fait une élection malachon, même Jean Aksa yo était toujours habité fait. Tout le monde songe événement ça yo. Nous pas besoin retourner sur yo en détail. Depuis 5 années, peuple lan tap continue bataille contre système répression Makoutlan, tant coup contre système corruption Makoutlan. Même Jean a crasé Zoa, vol à corruption te continue. Dans l'administration l'État, dans le gouvernement, dans le passeport qui gozouzoun te continue bénéficier. Et gagnons secteur dans la population qui lui-même toujours continue si bien bloc, ces paysans. Yo. Paysans dans tout coin pays a continué si bien toute qualité répression, exaction, dans même Makout. Grandon Makout, chef section Makout, yo volé terre, yo boule kayo, yo touye bet yo, mais tout yo massacré. Paysans mourir dans la tapis, des âmes, Labadi, Liancourt, Duchiti, Danti, Milo, Gervais, Piatre et Latrier. Et puis, gros massacre dans 5 années, ça yo, côté plusieurs centaines paysans ont perdu la vie, yo, c'était 23 juillet 1987 dans zone Jean Rabel. Tout le monde songeait Jean Rabel, c'était un coup de poing contre la vie paysan, mais tout contre volonté paysan pour prendre la vie yo dans main. Yo. Dans une émission Interactualité Magazine, Jean-Dominique t'est parlé sous Jean Rabel avec Michel Pierre-Louis. On écoute yon mousso nan raconte ça. Ou dit ça qui frappe ou dans la coma, c'est que ces paysans, ces habitants même qui râle manchette sur habitants. Ça c'est premier point parce que disons que moun te ka comprendre que son question seulement de Makout ou bien de l'armée. Tandis que là d'après ça on dit on chita sous ça pour nous comprendre pour qui ça d'après ou habitants yo râle manchette sous l'autre habitant pareil qui était même groupement d'être ensemble. Bon, Jean, on va prendre une grosse question là. Et moi, je crois que faut nous faire chita sous question ça même. Parce que c'est lui-même qui apparent et c'est lui-même qui déroute tout le monde. L'état très facile vraiment quand tu as dit, bon, il a payé une équipe paysan qui vient faire une action contre l'autre paysan. Mais on allait au-delà de bagay ça. Et faut moun connaît qui structure qui gagne dans le pays noir. Et particulièrement peut-être Jean Rabel. Je ne parle pas en connaisseur de Baïsayo. Moi-même, j'ouvre les oreilles, je parle en pile monde, mais, et pas seulement dans la zone, mais un peu partout dans le pays. Il y a un bagage qui semblait arriver Jean Rabel et qui est capable de vivre en pile partie dans le pays à tout. C'est pour ça qu'il faut nous connaître et faut nous faire attention en pile. Et ça fait me songer, il y a une. Il y a un monsieur Lucas, yon, quoi, c'est Rémi, qui te dit, nous, nous arrivons l'autre bois, mais faut nous faire attention, faut nous connaître paysanne rien, faut nous étudier le bien. Et m'a prend le mot, moi, je crois que c'est un bagage qui est très vrai, il faut que nous connaissions côté Wapli de Pio. Sous problème ça, problème spécifique ça, m'a bon un exemple de type de démarche que certains grands dons qu'on gagne dans la zone. Yon. Imaginez un grandon qui n'était pas, mais qui en même temps fermier de l'État. C'est-à-dire, il joue un avantage pour l'exploiter tel l'État. Côté qu'on y a, il y a une équipe de paysans qui viennent travailler sous Tessayo comme deux moitiés. Alors, équipe missionnaire Jean Rabel, lui-même, l'y engagé dans ça que y aurait la pastorale sociale de l'Église, qui lui-même, fait un choix pour li bataille à côté peuple malheureux. C'est pas un choix qui fait ici seulement, c'est un choix qui fait dans un pile pays côté que gen des conditions d'injustice sociale criantes, côté que au fait peuple malheureux ça k ap mande changement, k ap bataille pour changement, dit avec le pape souvle, faut que ça change tout bon vrai. Il faut que gon aller mieux, il faut que gon la vie meilleur pour nous. Et l'église qui dans pastorale sociale li dit l'a encadré milieu rural, l'a travaille avec pour nous voir si vraiment ça a changé. Alors travail ça qui commence fait, travail l'ouvrier ça sous vécu socio-économique moun yo, li vin permettre yo voir que gagner des conditions que n'ta ka rele des conditions d'exploitation qui existaient nan jan que l'a travaille nan jan que y a exploité nan jan que y a viré tourner non société côté le pas ka faire un pas en avant côté petite li pas capable à l'école côté li pas gain rad li pas gain perspective devant pour vraiment on la vie mieux. Alors le travail qu'a fait là, imaginez que au fur et à mesure que travail l'ouvrier ça a fait, paysan vient réaliser bon type de rapport qui existait entre lui-même et travail que l'a fait et finalement grand don qu'a fait le travail. Donc il commence à mander que bagay yo change. Et bagay yo aller jusqu'à ce que li di bon tessa qui c'est tel état que n'a travail sou li. Est-ce que pa ta gen moyen que nous gen jouissance tessa? Ou qu'on est dans pays d'Haïti a fait té c'est bagay fondal natal paysan. C'est pour li que la bataille depuis 1804 et peut-être même avant. Donc l'an bataille qu'a fait pour l'ouvrier l'an processus conscientisation ça monsieur Vini réaliser que li capable jouir de la terre sans que le pas gagner yon moun kap exploiter le kap prend moitié travail li et kap quitter le finalement avec juste de quoi survivre. Donc li dit terre ça moi vle gagne jouissance li d'ailleurs c'était l'Italie c'est pas terre ou gagner tel autre côté à l'occuper ou pas gagne drame mais terre ça que n'a travaille depuis dix d'antan nous vle. Alors ou imaginez type de conflit qu'a développé entre paysans ça qui regroupé qui commencé gain des revendications très claires et grandon ça qui bon depuis très longtemps tout lui-même gain des structures qui en place et qui pas de jambe et menacé vraiment mon petit j'en parle en pile même penser que li important que nous chita sur question ça. Alors en même temps que conflit yo a pé grandi, monsieur lui-même, li pou la pé évaluer ba yo, l'a gardé bon ça pour fait. Et dans le cas précis de Jean Rabel, on quoi ça qui vinn passer c'est que le toute bataille ça yo a mené, c'était en bas dictature, conflit yo pou ko éclater, conflit yo pou terété, on dit Jean Bachal, on dit Jean Larvé. Le 7 février rivé et que Babouquette la tombé. Voyo vin pi fò. Voyo d'ailleurs, yo vin gen des caisses de résonance lan res peyi a. Et quelque part, paysan yo senti que yo té beaucoup plus fort pour yo fè pression, pour yo té gen finalement jouissance de terre que yo té mandé. Alors ça grandon en fait parce que l'intelligent lui-même monsieur a défendu des intérêts très précis et des intérêts qui très large tout. Monsieur relé un paquet paysans de l'autre zone éloignée. Monsieur mené au sous terre et monsieur dit m'a distribué terre ça yo ba nous-mêmes. Ce qui signifie que monsieur écarté groupement qui était là déjà yo et qui était pour revendiquer terre, li mené une autre équipe qui lui-même vienne favoriser par rapport à premier groupement et li mette au face à face. Donc monsieur Claire tête li même, yo te mandé me distributeur, moi distribuer. Yo te mandé me distributeur bay paysan, moi distribuer au bay paysan. Cependant, très intelligemment monsieur éclipsé li et li mette deux équipes de paysans, youn en face l'autre. Youn qui était toujours travaille terre en deux moitiés et qui est venu revendiquer comme tel pour te jouir de lui, l'autre qui vient privilégier par rapport à Jean Teye avant et par rapport à la première équipe qui était là, affrontement a commencé petit petit entre deux équipes de paysans. Et c'est ça qui expliquait que Youn en face l'autre, redit position, piquet mette sous terre, incendie de Kaibo ici, incendie de Kaibo l'autre bord, jusqu'à ce que finalement, affrontement en fait, avec la complicité éloignée, distante de toute force que nous avons parlé auparavant. Mais avec une complicité plus immédiate de Makout qui est dans la zone. Ah, mais c'est sûr. Il y a un compte pour régler avec groupement d'être ensemble. Ah oui, bon, là, bon petit exemple. Il y a plus profond, il y a plus étendu que ça. Ouais, même bon petit exemple de type de bagaille qui fait que un groupe paysan vient monter contre l'autre groupe paysan. Parce que c'est ça qui est important. C'est qui mécanisme que vous utilisez pour que vous fassiez un groupe monter contre l'autre. Bon, un petit exemple, vous êtes capable de multiplier dans plusieurs instances. Vous êtes capable de voir que bon, dans toute zone très large, et donc il y a des bagages qu'on s'est multiplier et des affrontements qu'on s'est fait au fur et à mesure. En plus, pas oublier, et 7 février en venir avec un vent d'espoir. Que bah yo t'ai changé tout bon vrai que mot démocratie en t'ai ka joindre réalité li donc gen des bagay qui viennent plus ouverts, des conflits qui viennent plus ouverts et qui débouchaient sur des affrontements qui étaient plus ouverts tout côté finalement et ça dit important parce que li vinn montrer que finalement rien pas changé que babouquette l'ont tombé c'est vrai et voix yo t'ai ka porter plus loin mais structure t'ai été les mêmes et finalement, c'est ça qu'on apprend nous compte aujourd'hui, c'est que rien fondamentalement pas changé. Ma coupe était coulée pendant un certain temps et puis il ressurgit après avec force et traditionnelle qui des